On va commencer, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 14, si je ne me trompe pas, dans la série des durus de Kashf al-Shubuhat, par l'explication du Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et puis, on est arrivé presque à la fin. Le Cheikh, maintenant, là où je suis arrivé, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, وَيُقَالُ أَيْبًا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُونَ لَمْ يُكَفَّرُوا إِلَّا لِأَنَّهُمْ جَمَعُوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواع كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب على وجه المزح واللعب. Donc le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il donne d'autres exemples maintenant pour répondre aux gens qui prétendent que s'ils invoquent les awliya, ils demandent l'aide des awliya en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ils prennent les asiyad et les amwat et les qubur, ils prennent les tombes comme des intermédiaires entre eux et Allah, ils disent que en faisant ça ils sont pas kuffar, comme on avait dit les deux derniers cours, parce que ils disent que nous on reconnaît la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on croit au messager d'Allah, on dit oui il est le messager d'Allah, on croit au Coran, on croit à la résurrection. Tandis que les mouchriquins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils refusaient de croire en ça, ils refusaient de croire en la ilaha illallah, ils refusaient de dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ils refusaient de croire au messager, al Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils refusaient de croire au Coran, ils disaient qu'ils ne croyaient pas au Coran et ils ne croyaient pas à la résurrection, c'est-à-dire al-ba'ath, hein. Donc, ils disent, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on croit en toutes ces choses-là. Sauf que le cheikh, il répond, il dit, ça ne veut pas dire que vous êtes des mu'minines, que vous êtes des mu'ahidines, parce que peut-être que vous avez reconnu tout ça, mais maintenant vous avez invoqué d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez appelé les awliya, et vous avez pris ces gens-là comme des intermédiaires entre vous et Allah dans le dua et dans d'autres formes d'adoration. Donc, ça c'est une forme de shirk d'Allah. Et un shirk, ça annule vos actions. Même si vous dites que vous avez dit la ilaha illallah, c'est pas suffisant. Et le shirk, il donne un autre exemple maintenant pour répondre à cette shubha. Et il dit, regardez dans les livres des ulama, dans les livres de fiqh, dans chaque mazhab, que ce soit le madhab al-Hanafi, ou al-Maliki, ou al-Shafi'i, ou al-Hanbali, ou n'importe quel autre madhab parmi les madhab d'Ahl-Sunnah, par position des ulama d'Ahl-Sunnah, vous allez voir que dans la question de fiqh, ils ont toujours un chapitre qui s'appelle Babun Hukm al-Murtad, c'est-à-dire un chapitre qui parle de de l'apostat, celui qui quitte l'islam après avoir cru en l'islam. C'est-à-dire, il était musulman et puis il a quitté l'islam. Ça, c'est on appelle dans l'islam, on l'appelle al-murtad, ok, l'apostat, celui qui a quitté sa religion, il a quitté sa foi. Donc, dans ce chapitre, dans les livres de fiqh, vous allez retourner à ce livre, à n'importe quel livre dans ces madhahib-là, et vous allez voir que les ulama ont mentionné des exemples de choses que si quelqu'un les dit ou si quelqu'un les fait, hein, ça peut être des paroles, ça peut être des actions et ça peut être des croyances. Hein. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses que les ulama ont expliquées, que si quelqu'un y croit ou si quelqu'un le dit ou si quelqu'un le fait, il devient kafir. Et que ses biens et son sang deviennent halal. Dans ce cas-là. Donc, ça c'est quelque chose, tout le monde est d'accord, tous les ulama sont tous d'accord là-dessus. Et même des fois, le cheikh il dit qu'ils ont mentionné, des fois c'est des choses qui sont très très, qui sont très simples. C'est-à-dire des choses que des gens peuvent dire avec leur bouche, et même s'ils ne le disent pas réellement dans leur cœur, ils le disent juste avec la langue, hein, ils peuvent même parfois dire une parole juste pour blaguer ou pour jouer, et puis ça compte. Et puis c'est considéré comme une parole de kufr, hein, comme quelqu'un qui se moque de la religion, ou qui fait une blague sur la sunna ou sur l'islam, ou bien qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'Allah, hein, d'Allah, ou bien qui insulte Allah, ou qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est des choses, si quelqu'un les dit, il devient kafir, hein. Donc ça, même si la personne dit la ilaha illallah, même si elle fait la salat, même si elle fait son ramadan, même si elle, disons, elle dit oui je crois en Yom al-Akhir, et je crois en tout ça, si elle dit des paroles de kufr, ou elle fait des choses de kufr, par la suite, eh ben, même si elle fait tout ça, elle ne sera pas considérée comme un mu'min. D'accord? Et c'est ça l'exemple. Donc ça veut dire que si ça c'est le cas pour des paroles, alors que dès de celui qui, hein, quand il a un malheur ou un problème, au lieu de demander à Allah, il demande à un être humain qui est mort ou bien qui est vivant, hein, de le faire entrer au paradis ou de lui donner un enfant ou de lui donner le risque ou des choses de ce genre. Donc le cheikh dit « وَيُقَالُ أَيْضًا الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ اللَّهَ كَفَّرَهُمْ بِكَلِمَةٍ مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. Donc le chef il dit que on peut également dire à ces gens-là, regardez les versets, comme par exemple le verset 74 dans sourate Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala il dit يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, ils jurent par Allah qu'ils ne l'ont pas dit, alors qu'ils avaient dit une parole de kufr et qu'ils ont mécru après leur islam. Ils ont mécru après leur islam. Donc ça veut dire, le cheikh il dit ensuite, et est-ce que tu n'as pas entendu que Allah subhanahu wa ta'ala il les a déclarés kuffar à cause d'une parole, hein, en disant وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Donc ça veut dire que quelqu'un peut rejeter l'islam ou sortir de l'islam avec une parole, une seule parole qu'il dit. Alors qu'ils étaient même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils combattaient et ils luttaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils faisaient la salat avec le prophète, et ils faisaient la zakat, et ils faisaient le hajj, et ils disaient la ilaha illallah à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils ont prononcé une parole de kufr et qu'ils ont mécru après leur islam. Wa kafaru ba'da islamihim. Également, le cheikh il donne un autre exemple, un verset, le verset 65 et 66 dans sourate At-Tawbah, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. C'est-à-dire, dit, est-ce que c'est d'Allah, de ces signes, de ces versets et de ces messagers que vous moquiez, hein, kuntum tastahzi'un, vous vous moquiez de ça avant, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit après, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum, ne vous excusez pas, vous avez quitté la foi, vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc, ça c'est des preuves que quelqu'un, juste en se moquant de quelque chose de la religion, il devient kafir. Même s'il le disait juste pour se moquer ou juste pour blaguer, hein. Parce que le cheikh il dit que ceux-là qui s'étaient moqués à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'étaient moqués des sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet qu'ils ont mécru et qu'ils ont rejeté la foi après avoir cru. Alors qu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'expédition, lorsqu'ils allaient à la bataille de Tabouk. Okay, et ils ont dit une parole, et c'était juste une parole qu'ils ont dit pour se blaguer, hein, juste pour rire. C'est quoi la parole? Après, inshallah, on va le lire. Le cheikh il dit, فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الشُّبْهَ وَهِيَ قَوْلُهُمْ تُكَفِّرُونَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ تُكَفِّرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُنَاسًا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ ثُمَّ تَأَمَّلْ جَوَابَهَا فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ مَا فِي هَذِهِ الْأَوْرَاقِ. Donc le cheikh il dit, donc regardez cette chouba que les gens de shirk apportent. Ils prétendent que, ils disent, vous déclarez les gens kuffar alors que ce sont des musulmans qui disent la ilaha illallah, hein, et qui font la salat et qui jeûnent, hein, et méditent et réfléchissent sur la réponse, parce que ça fait partie des choses les plus bénéfiques qui sont dans ce livre. Donc ça veut dire que yani, c'est pas parce que quelqu'un dit la ilaha illallah et qu'il fait la salat et qu'il jeûne qu'il est musulman automatiquement. S'il a fait une action ou qu'il a dit une parole qui vient en contradiction avec son islam, ça annule son islam. Donc ça veut dire que, comme eux, les gens des gens qui défendent le shirk ou la bid'a, des choses comme ça, vous déclarez les musulmans kuffar. Et nous on répond, on dit non, on déclare pas les musulmans kuffar. On déclare les kuffar. On déclare ceux qui font le shirk. On dit que ce sont des koufars, mais pas les musulmans, parce que les musulmans ce ne sont pas ceux qui font le shirk. Les musulmans ce sont ceux qui sont sur le tawhid, ceux qui adorent Allah seul et qui n'invoquent pas personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas des gens qui vont aller à la tombe d'un être humain, puis qui vont demander à cet être humain d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah, ou de leur donner le risque, ou de leur donner par exemple un enfant, ou bien de leur donner par exemple une protection contre un ennemi, ou bien de les sauver contre un malheur. Tout ça, c'est des choses qui font partie du shirk. Et si quelqu'un le fait, il n'est plus parmi les musulmans, même s'il se dit musulman, et même s'il prie, même s'il jeûne, et même s'il dit la ilaha illallah. Le shirk, maintenant, Zayd al-Nadkhali, il explique, il dit, قال المؤلف وقد يقال أيضا الذين قال الله فيهم ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وقال عز وجل فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقصة هؤلاء مشهورة وهي أن أفرادا من أهل النفاق أوى بعضهم إلى بعض يتحدثون، ومن جملة حديثهم أن قالوا ما رأينا في قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبل عند اللقاء. فسمع ذلك عوف بن مالك فقال للمتكلم بذلك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد أن القرآن قد سبقه. قال زيد بن أسلم قال عبد الله بن عمر فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وتنكبه الحجارة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم القرآن مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون مع الناس ويجاهدون وهذا كان في غزوة من أهم الغزوات وهي غزوة تابوك. Donc le chef il explique maintenant ce point là au sujet des versets que le chef a mentionné tout à l'heure. Il dit que l'auteur Cheikh Mohammed Abdel Wahab il a mentionné le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit la parole alors qu'ils ont dit une parole de kufr et qu'ils ont mécru après leur islam. C'est le verset 74 dans Surat At-Tawbah. Et ensuite Allah a dit à leur sujet, dit est-ce que c'est d'Allah et de ses signes de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après la foi. Et ça c'est les versets 65 et 66 dans Surat At-Tawbah, comme on a dit tout à l'heure. Et le chef il dit que l'histoire de ces trois personnes qui avaient dit ces paroles-là, elle est bien connue, cette histoire. Et c'est déjà parmi les munafiqins, les gens de l'hypocrisie, parmi les gens de l'ifaq. Ils se sont réunis ensemble puis commençaient à parler. Et parmi les choses qu'ils ont dit, ils ont dit on n'a pas vu personne parmi ceux-là qui sont ceux qui récitent le Coran et qui connaissent l'islam parmi les sahaba. Ils parlaient des sahaba, d'accord? Ces trois-là. Ils disaient, on n'a pas vu parmi eux de plus gourmand, Arghaba butulan. Et on n'a pas vu de plus menteur, Akzaba al-sunan. Et on n'a pas vu de plus peureux lors de la bataille. Ajbanu inda al-liqa. Il n'est plus peureux que dans la bataille, lorsqu'il rencontre l'ennemi. Alors, Awf ibn Malik a entendu cette parole. C'était un parmi les Sahaba, il était assis, il a entendu ces gens-là dire ça. Tu as menti, mais tu es un hypocrite. Tu as menti et tu es un hypocrite. Alors, il dit, je vais informer le messager d'Allah au sujet de ce que tu as dit. Alors, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui informer, qu'est-ce qu'il avait entendu. Et il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà été informé de ça par la révélation qu'Allah lui a donnée des versets du Coran. Alors, Zayd ibn Aslam a dit que Abdullah ibn Omar a dit, j'ai vu l'homme qui avait dit les paroles, l'homme qui avait parlé contre les sahaba, je l'ai vu accroché à la chamelle, à la selle du chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les pierres frappaient ses pieds, il se laissait traîner, accroché au chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des excuses. Il était en train de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des excuses pour avoir dit les paroles qu'il a dit, et il disait, on a seulement dit ça pour se moquer, pour blaguer, c'était pas des choses qu'on disait, on n'était pas sérieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne répondait autre chose que le verset. Il disait قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْلِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. C'est-à-dire dit, est-ce que c'est d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après votre foi. Et donc le chef il dit que le Coran les a déclarés comme étant des kuffars, malgré qu'ils témoignaient de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, malgré qu'ils faisaient la salat avec les musulmans et qu'ils faisaient le djihad avec les musulmans. Et ça c'était dans une des batailles les plus importantes parmi les batailles, c'est-à-dire la bataille de Tabouk, Ghazwati Tabouk. C'est une expédition que les musulmans avaient fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller combattre les Romains dans le nord. Et c'était un très long voyage, parce que Tabouk c'est une ville dans le nord et c'est très très loin, il faut traverser le désert pour arriver là-bas. Donc il y a beaucoup de munafiqins, des hypocrites, qui sont restés en arrière, ils n'ont pas voulu venir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit on ne veut pas voyager dans le soleil, parce que c'était la saison de l'année où il faisait très très chaud en plus. Donc personne n'est parti dans cette bataille excepté les vrais mu'minines, les vrais croyants, ceux qui ceux qui sont restés en arrière, c'était les munafiqin. D'accord? Donc, ça nous donne une leçon en même temps pour comprendre. C'est pour ça que si vous lisez, par exemple, sur la Tawbah, vous trouvez beaucoup de versets qui parlent des munafiqin parce que c'est la sourate qui parle de cette bataille, de l'histoire qui s'est passée autour de l'expédition de cette bataille. D'accord? Non. C'est avant, Allah, je pense que c'est avant. Parce que il se racontait des histoires comme ça en s'en allant sur le chemin. Non. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est que, yani, comme ces gens-là, ils ont dit ces paroles-là pour se moquer, et ils pensaient que c'était pas grave. Ils pensaient que c'était pas grave le fait qu'ils se moquaient. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, parfois parmi les musulmans, peut-être ils s'assoient avec des koufars, et les koufars commencent à se moquer de l'islam, se moquer des musulmans, se moquer du hijab, se moquer de la barbe, se moquer de beaucoup d'aspects de l'islam, et peut-être que par ignorance, beaucoup de musulmans, parfois ils participent à ces moqueries, et ils rentrent dans le jeu des koufars, et ils savent pas que ça c'est kufr. Donc ils doivent y aller, ceux qui ont fait ça, ils doivent se repentir et revenir à l'islam et aller. Donc, comme on a vu maintenant, l'explication est claire, et ça nous montre que c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah et de prétendre qu'on est musulman en faisant la salat et le jeûne si on n'a pas respecté les préceptes des fondements de l'islam. Ensuite, le cheikh il dit « wa wajhu l'istidlal » من هذا النص وأمثاله هو إزالة تلك الشبهة التي يحملها مشرك زماننا الذين يصلون ويصومون ويقولون الشهادتين ولكنهم يجعلون بينهم وبين الله وسائط في حالة الرخاء وفي حالة الشدة كما كان المشركون الأولون يفعلون كما كان المشركون الأوائل يفعلون أتدري ماذا يريدون من الوسائط؟ يقولون نحن قوم عصاة ومذنبون ولا نستطيع أن ندلي بحاجاتنا إلى الله ولكننا ندلي بحاجاتنا إلى هؤلاء الأولياء من الأموات ونطلب منهم رفعها إلى الله عز وجل وننتظر قضاء الحاجة وتفريج الكربة وإنجاب الولد وكشف الضر وجلب الرزق ونحو ذلك من المطالب التي يجب أن يتوجه بها المكلفون إلى الله خالقهم وبارئهم بدون أن يتخذوا وساطة بينهم وبينه لا من الأحياء voilà min al-amwat. Donc le cheikh il dit, le but d'avoir mentionné ces versets-là et cette explication-là à ce sujet, c'est dans le but de répondre à la shubha de ces gens-là qui disent les gens qui font le shirk à notre époque et qui disent qu'ils font la prière et qui jeûnent et qui disent le shahadatayn, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et qui, malgré ça, prennent entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs lorsqu'ils sont dans les moments de d'aisance et lorsqu'ils sont en détresse. Yani, comme les mushrikoun faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant. Donc le cheikh dit, est-ce que vous savez ou est-ce que tu sais ce que ces gens-là veulent par ces intermédiaires-là? C'est-à-dire pourquoi ils veulent prendre des intermédiaires? Ils disent, comme on a expliqué plusieurs fois, que et eux ils se disent, nous on est des gens qui avons fait beaucoup de péchés. Nahnu qawmun usat muznibun. Ils disent, on n'est pas capable de ramener directement nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on amène nos besoins et on demande qu'est-ce qu'on a de besoin à ceux-là parmi les hommes qui sont pieux, parmi les awliya et parmi les morts. Et on demande à eux, à ces hommes-là, de ramener nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala pour que eux nous, pour qu'eux demandent à Allah à notre place. Et on espère de cela que Allah subhanahu wa ta'ala va faire exaucer nos besoins et nos vœux par eux. Donc, on espère qu'il, par exemple, qu'il nous sauve d'un malheur qu'on a, ou bien qu'il nous aide à avoir des enfants. Si, par exemple, on a de la difficulté à avoir un enfant, peut-être ils vont nous aider, ou bien ils vont éloigner un mal de nous, ou nous enlever quelque chose de mal qui nous a affligé, ou bien ils vont nous donner une subsistance parmi les biens de la dunya. Et donc, le cheikh il dit, ainsi que beaucoup d'autres exemples de demandes qu'ils font, et toutes ces demandes-là, en réalité, on n'a pas le droit de se diriger à autre que Allah pour les demander. On a uniquement le droit de demander ces choses-là à notre Créateur et à celui qui nous a créés, sans prendre aucun intermédiaire et sans prendre aucun intercesseur entre eux et nous. C'est-à-dire, sans prendre aucun intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de prendre un intermédiaire, que ce soit un être humain qui est vivant, ou un être humain qui est mort, ou un ange, ou un djinn, ou autre créature en dehors d'Allah, n'a pas le droit de demander à quiconque, excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la fin de l'explication de cette shubha. Maintenant, le cheikh il mentionne un long passage du texte de Kashf al-Shubuhat du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab qui clarifie d'autres Shubuhat et qui répond à d'autres Shubuhat des Mushrikines au sujet du Tawhid. Et donc il commence en disant wa min ad-dalil ala dhalika aydan ma haka Allah an bani Israil ma islamihim wa ilmihim wa salahihim annahum qalu li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. Donc le cheikh il mentionne le cheikh Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab une autre shubha. La shubha c'est quoi? Cette shubha c'est qu'ils disent par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des enfants d'Israël, malgré qu'ils étaient à l'époque qu'ils étaient des musulmans et qu'ils avaient de la connaissance et qu'ils étaient, disons, qu'ils étaient sur le droit chemin, ils ont demandé à Moïse de leur faire un dieu comme ils ont vu les gens qui adoraient un veau en or ou bien une idole en or. Ils ont dit fais-nous un dieu comme eux ont un dieu. Hein? Donc ils ont demandé à Moussa de leur fabriquer une idole ou une statue ou quelque chose qu'ils peuvent adorer. Donc, le cheikh il dit, et il y a des gens parmi les Sahaba qui étaient nouveaux dans l'islam, et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui est un peu semblable à ce que le peuple de Moussa avait demandé. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les mushrikoun, les idolâtres au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient un arbre. Il croyait que cet arbre avait une baraka, avait une bénédiction. Et il croyait que si tu accrochais ton épée dans cet arbre, ton épée allait prendre de la force, allait devenir plus puissant. Ok? Donc, ils ont dit, ô messager d'Allah, les mushrikoun, ils ont un arbre. Et ils accrochent leurs armes sur cet arbre pour lui donner une force à leur arme. Alors, choisis-nous, toi aussi choisis-nous un arbre pour que nous aussi on va accrocher nos armes sur cet arbre et que notre arbre va devenir plus puissante elle aussi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu des gens dire ça, il a dit vous avez dit exactement la même chose que le peuple de Moïse quand ils ont dit fais-nous un dieu comme eux ils avaient un dieu. Hein? Donc ces gens-là, parmi les Sahaba, ils étaient nouveaux dans l'islam. Mais ils savaient que les mouchikoun, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est pas correct. C'est pour ça qu'ils n'ont pas dit on va prendre le même arbre que, on va prendre un arbre différent, laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va nous les désigner, choisir. Et eux, ils s'imaginaient que, parce que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait leur désigner cet arbre, alors ils s'imaginaient que ça allait être correct et que ça allait être accepté. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc ils s'imaginaient que ça allait être accepté. D'accord? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ceux-là pour leur faire comprendre que non, à la base, cette action-là, cette idée-là, elle est basée sur le shirk. Et c'est exactement la même chose que qu'est-ce que les gens ont dit à Moïse. Quand ils ont vu des gens qui adoraient une idole, ils ont demandé à Moïse, fais-nous une idole comme ces gens-là ont une idole. Et donc, la shubha, elle est où? C'est quoi la shubha qu'ils utilisent dans cette histoire? Eux, ils utilisent cette histoire, les gens d'aujourd'hui qui font le shirk, qui adorent les awliya et les saints et tout, ils disent, regardez, malgré que les peuples de Moïse ont demandé ça, et que certains parmi les sahaba ont demandé cette chose-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'ils étaient kuffar à cause de ça. Donc, ça veut dire que c'est pas kuffar, et que c'est permis de faire des choses comme ça, et de prendre une baraka ou de chercher une baraka en dehors d'Allah. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il répond, il dit, فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا لا ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا هذا هو المطلوب وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. Donc le cheikh il répond maintenant, il dit regardez, là, comment répondre à cette chouba, c'est qu'on dit regardez, les enfants d'Israël, Ben Israël, ils n'ont pas pris l'idole. Quand ils ont demandé au prophète Moussa, alayhi salam, fais-nous une idole comme eux, ils ont une idole, ils ne l'ont pas faite. Et il dit également, ceux qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, choisis-nous un arbre, comme eux ils ont un arbre, eh bien, ils n'ont pas pris un arbre. Ils n'ont pas fait un arbre pour prendre un arbre pour mettre leur arme dessus comme les mouchriquines. Et le chef il explique qu'il dit, si les enfants d'Israël avaient pris une idole, ou avaient pris une statue ou une image comme les mouchriquines, ils auraient mécru pour avoir fait ça. Ok? De même que si les gens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de prendre un arbre, comme ils appellent Zat Anwat, s'ils avaient pris cet arbre pour accrocher leurs armes, malgré l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là ils auraient mécru. C'est-à-dire là ils seraient sortis de l'islam parce qu'ils auraient fait un acte de kufr. Mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, cette shubha qu'ils amènent, ces gens-là, eh ben, elle est nulle, elle ne tient pas. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas fait l'acte de kufr, l'acte de shirk, en prétendant cette chose-là. Et donc, le cheikh, il dit, cette histoire, en réalité, l'histoire de l'arbre, Zat Anwat, ou bien l'histoire du peuple de Moïse, eh ben, on peut en tirer de ces deux histoires-là du fait que quelqu'un peut être musulman et il peut avoir de la connaissance, il peut même être un savant dans l'islam et il peut tomber dans le shirk, malgré qu'il est savant de l'islam. Donc ça veut dire que le shirk, il a beaucoup de formes et beaucoup de manifestations. Et quelqu'un peut faire un acte de shirk sans qu'ils le sachent. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'on doit étudier notre islam, étudier le tawhid, étudier l'aqidah comme il faut, et se protéger, et éviter de tomber dans des formes de shirk par ignorance. Et le cheikh, il dit, ma'alfatu qawl al-jahil, al-tawhid fahimna. Il y a beaucoup de musulmans d'aujourd'hui, hein, et à d'autres époques aussi, qui s'imaginent que, yani, le tawhid, on l'a déjà compris. Hein, s'ils entendent souvent dire ça. Ah, t'as pas besoin de nous parler de tawhid. Qu'est-ce que t'as à parler toujours de tawhid, tawhid, tawhid? On l'a connu le tawhid, on comprend le tawhid. La ilaha illallah. C'est fini, hein. Il y a un seul Dieu, c'est fini. Donc, eux, ils s'imaginent que c'est juste comme ça, tu dis, ouais, ok, ça y est, on a compris. Un seul Dieu, c'est fini. Et puis, on n'a pas besoin d'en parler plus que ça. Donc, ça c'est, comme le cheikh il dit, ça c'est la plus grande forme d'ignorance et la plus grande ruse parmi les ruses du shaitan. Parce que lorsqu'il réussit à faire quelqu'un être dans l'ignorance au sujet du tawhid et de se sentir en sécurité du shirk, alors c'est là qu'il a commencé à tomber dans l'égarement, parce que c'est sûr qu'il va tomber un jour ou l'autre dans des formes de shirk sans s'en apercevoir. الشيخ يقول وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول on peut également prendre comme bienfait de cet exemple là qu'on a mentionné à propos de Bani Israël et à propos des sahaba qui avaient demandé l'arbre. On peut prendre que le musulman, lorsqu'il fait un effort pour essayer de comprendre quelque chose, de connaître quelque chose, et qu'il parle en disant des paroles de kufr, alors qu'il n'a pas de connaissance, qu'il n'est pas au courant, et qu'on l'informe de son erreur, et qu'il s'est repenti automatiquement, et qu'il a demandé pardon à Allah, et bien dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Hein, parce qu'il a dit des paroles par ignorance, et lorsqu'on lui a fait comprendre, il s'est repenti. Donc dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Comme le cas de Bani Israël, comme ceux qui ont demandé l'arbre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, si après avoir été averti, il continuait à le faire, là il serait kuffar, hein, parce qu'ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas fait le tawbah. الشيخ يقول ensuite وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'on peut prendre également comme exemple dans cette histoire que même si la personne n'est pas sortie de l'islam, il n'a pas fait le kufr, on doit lui répondre d'une façon sévère, hein, d'une façon dure dans la parole, pour que la personne réalise la gravité de la parole qu'il a dit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, il a dit, Subhanallah, innaha sunan, hein, dans le hadith, et il a dit, c'est quoi, dans l'histoire, il a dit, فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Donc c'est ça, il leur a répondu d'une manière qui est dure pour leur faire comprendre que c'était grave la parole qu'ils avaient dit. Cheikh dit ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتله بعد أن أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل ويقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب. دونك أصوت لشيخ الدين وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وكفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه هو ورأسه، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا. Donc le cheikh il dit qu'ils ont une autre choubha, les mushrikins, à notre époque actuellement, qui se disent musulmans. Ils prennent comme exemple le hadith de Usama, Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd, il était dans une bataille avec les contre les mushrikins, et il a vu un des mushrikins qui tuait beaucoup parmi les musulmans. Chaque fois qu'il avançait sur un musulman, il le tuait. Alors, il est allé vers lui, et quand il est arrivé pour le frapper avec son épée, le mushrik a dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Alors, Usama ibn Zayd, il l'a tué quand même, il l'a frappé quand même. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que Usama ibn Zayd avait fait ça. Alors, il a dit à Usama ibn Zayd, est-ce que tu l'as tué après que cet homme a dit la ilaha illallah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment fâché contre Usama et il lui a dit, qu'est-ce que tu vas dire au jugement dernier à propos de la ilaha illallah? Hein? Et donc c'est très grave. Et donc eux ils utilisent ce hadith et ils le mettent en dehors de son contexte pour essayer de justifier l'idée que depuis qu'un musulman a dit la ilaha illallah, même s'il adore les awliya, même s'il prie aux morts, même s'il cherche le secours chez eux, et il demande l'intercession, qu'il est musulman, puis qu'on n'a pas le droit de lui faire rien, parce que son sang et ses biens sont haram, parce que c'est ça. Ok? Et ils utilisent également un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Ok, et dans ce hadith-là, donc, la preuve qu'ils utilisent, c'est de dire, ça y est, une fois que tu as dit la ilaha illallah, on n'a plus le droit de combattre quelqu'un ou de lui prendre ses biens ou quoi que ce soit. Et donc, ils utilisent ces hadiths-là pour essayer de supporter ça, et le chef, il dit que ces ignorants-là, ils veulent dire qu'une fois que quelqu'un a dit la ilaha illallah, il ne peut plus quitter l'islam et on ne peut plus le combattre peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait après avoir dit la ilaha illallah. Et le cheikh il dit wa hum yaqulun, et eux ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire, ah oui c'est vrai, c'est que le cheikh il dit donc on peut leur répondre à ces gens-là, la réponse qu'on peut leur donner c'est que on peut répondre à ces mouchikines là parmi les ignorants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les juifs à son époque et il les a pris en prisonnier également et en esclavage alors qu'ils disaient la ilaha illallah et ils disaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ils disaient pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah mais ils disaient la ilaha illallah, les juifs ils disaient pas Muhammad Rasulullah, mais ils disaient quand même la ilaha illallah. Et donc ça veut dire que c'est pas suffisant de dire la ilaha illallah, il faut avoir d'autres choses avec. Parce que justement, ils ne croyaient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne croyaient pas au Coran. Et donc c'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah. Également, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont combattu Banu Hanifa. Et Banu Hanifa, c'est qui? C'est une tribu qui avait cru en Musaylama al-Kadhab. Musaylama al-Kadhab, c'est un homme qui avait prétendu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était un messager, lui aussi. Donc ils disaient qu'ils croyaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils croyaient en Musaylama. Et les Sahaba les a combattus. Donc il y avait aussi les gens qui avaient refusé de payer la zakat qui étaient avec eux aussi, et que les Sahaba ont combattu malgré qu'ils disaient la ilaha illallah. Également, il y avait il y avait aussi les gens que Ali ibn Abi Talib a brûlé vivant, comme on avait dit la dernière fois, parce que ils avaient dit que Ali était Allah, hein, ou que Ali était un dieu, et donc Ali ibn Abi Talib les avait punis en les brûlant vivant. Le chef, il dit que ces ignorants-là, ils croient en وهؤلاء الجهلاء مقرون أن من أوي. Ces ignorants-là aujourd'hui, donc parmi les mouchriquins, ils sont d'accord pour dire que celui qui rejette la foi en la résurrection, il est kafir et qu'il faut le combattre ou qu'il faut le tuer. Ils sont d'accord que celui qui dit la ilaha illallah, alors qu'il rejette un des piliers de l'islam, il est mécréant, il est kafir et qu'il faut le tuer. Et ils sont d'accord à ce sujet-là. Alors, comment on peut dire que celui qui a rejeté un des piliers de la religion ou une des branches de la religion, que lui, ça lui sert à rien de dire la ilaha illallah, mais celui qui rejette la base de la religion et le fondement de la religion des prophètes, et la base et la tête de la religion, celui qui le rejette, ça lui est quand même utile de dire la ilaha illallah. Ça, c'est une contradiction. C'est comme si tu dis, ok, si quelqu'un rejette la salat, il est kafir, mais s'il rejette le tawhid, il n'est pas kafir. C'est une contradiction, vous comprenez? Parce que le tawhid, c'est la base de la religion. Tandis que la salat, c'est un des piliers de la religion, mais c'est pas la base de la religion. Et donc, comment tu peux dire que si tu rejettes la base, tu n'es pas kafir, alors que si tu rejettes la prière ou le jeûne ou autre chose dans l'islam, tu es kafir? Ça, c'est une contradiction. Et le cheikh, il dit, avec étonnement, il dit, voilà qu'il m'a adhaa Allah, ma fahibu ma'na al-ahadith, voilà yafhamu. Les ennemis d'Allah, ils n'ont pas compris la signification de ces hadiths, et ils ne vont pas comprendre. Maintenant, il explique. أما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. Donc le cheikh il dit que le hadith d'Oussama qui avait tué l'homme après qu'il avait prétendu l'islam, il a dit que cet homme-là, il avait seulement fait semblant de croire en l'islam ou de prétendre l'islam ou de dire la ilaha illallah pour se protéger, parce qu'il avait eu peur de mourir. Donc pour protéger son sang et ses biens, il a dit la ilaha illallah pour se protéger. Mais le chef dit que l'homme, lorsqu'un être humain ou un individu montre qu'il est musulman, il dit la ilaha illallah, c'est obligatoire d'accepter son islam. Et on n'a pas le droit par la suite de le frapper. Jusqu'à ce qu'on ait vu dans ses actions et dans ses paroles des choses qui contredisent l'islam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset dans Surah An-Nisa, le verset 94, aux les croyants, lorsque vous partez dans le chemin d'Allah pour combattre les ennemis de l'islam, alors faites attention et vérifiez vérifier les choses. Lorsque vous voyez une personne qui prétend être musulmane, il ne faut pas le tuer, parce que ça c'est haram. Il est musulman quand il dit la ilaha illallah. Mais vérifiez, c'est-à-dire faites attention, regardez par la suite les paroles et les actions de cette personne. Vous allez voir par la suite que s'il ramène des choses contraires à l'islam et qu'il fait des choses contraires à l'islam, là, par la suite, on va agir en conséquence. Mais sur le moment, on n'a pas le droit d'utiliser cette attitude-là de tuer les personnes et d'essayer d'imaginer que la personne est là, fait semblant, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Oussama quand il a frappé l'homme, il a dit « Ashaqaqta an sadri, ashaqaqta an qalbi » Est-ce que tu as su, est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir dedans, est-ce qu'il était sincère ou non? Qui te l'a dit qu'il faisait semblant? Peut-être qu'il a cru vraiment. Hein? Et donc, si tu vois par la suite que la personne a menti, qu'il fait des choses contraires à l'islam, alors là, dans ce cas-là, là, tu peux dire que la personne a menti, mais pas avant. Et c'est comme si quelqu'un, il est chrétien, et il dit, « Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah », puis après tu le vois le lendemain, puis il continue à prier, Isa, Maryam, et les saints de l'église, et il continue à aller à l'église et à mettre la croix. Tu vas lui dire, mais toi, est-ce que tu es musulman ou est-ce que tu es chrétien? Non, non, il va dire, s'il dit non, je ne suis pas chrétien, je suis musulman, on va lui dire, ouais, mais dans ce cas-là, tu dois cesser de faire ça. Et tu dois commencer à adorer Allah seul et à rejeter ces choses-là que tu faisais avant. Sinon, tu n'es pas musulman. Même si tu dis la ilaha illallah, parce que tu contredis le message de l'islam. Tu comprends? Non. Et non. Et non, on juge par l'apparence extérieure, pas par l'intérieur. On ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas juger par l'extérieur. On ne faut pas juger par l'extérieur. Il faut. Et non. Il lève des haqqs d'islam. Alors voilà. Donc on juge par l'extérieur, par l'apparence extérieure. Par ce qu'on entend des paroles de la personne, par ce qu'on voit des actions de la personne. C'est seulement ça qu'on peut juger. L'intérieur du cœur de la personne, on ne peut pas le juger parce qu'on ne le voit pas. Il y en a des gens qui disent, mais juge-moi pas, tu ne sais pas ce que j'ai dans mon cœur. Mais ce qui est dans ton cœur, je ne le vois pas moi. Qu'est-ce que je vois, c'est tes paroles, qu'est-ce que je vois, c'est tes actions, et j'entends tes paroles. Et si je vois que dans tes paroles, dans tes actions, j'entends dans tes paroles des choses contraires à l'islam, eh ben, ça montre que qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, il est en contradiction avec, avec ce que tu prétends. Hein? Tu prétends être bonne dans ton cœur, et tes paroles sont pas bonnes. Tu prétends être bon dans ton cœur, et tes actions sont pas bonnes. Sont pas bonnes tes actions. Donc ça veut dire il y a un problème, il y a une contradiction entre les deux. Hein, ça peut pas marcher. Ok? Et le cheikh il continue à expliquer ça en disant, ok, ذلك الحديث. وعليكم السلام. الحديث الآخر وأمثاله في معنى ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا إذا تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتسبيحا حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. Donc le cheikh il dit que, comme on a expliqué dans le hadith, on peut comprendre qu'une personne, lorsqu'elle a dit la ilaha illallah et lorsqu'elle a prétendu d'être parmi les musulmans et faire partie de l'islam, être dans l'islam, on n'a plus le droit de l'attaquer ou de le tuer ou quoi que ce soit. Parce qu'il a dit la ilaha illallah. On juge, comme on a dit tout à l'heure, par l'expérience. Sauf si on voit que la personne, par la suite, fait quelque chose qui contredit et oppose ce témoignage. D'accord? Et le cheikh, il mentionne le hadith qu'il a dit, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? C'est-à-dire, en voulant dire, une fois qu'il a dit la ilaha illallah, tu n'as plus le droit de le tuer. Et il a mentionné l'autre hadith, celui qu'on a dit tout à l'heure, j'ai été commandé de dire la ilaha illallah, de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Donc, si tu regardes même dans la fin de ce hadith, ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أي أبو بكر الصديق il a utilisé ce hadith justement quand il a demandé aux sahaba de combattre les gens qui refusaient de payer la zakat. Il leur a dit que lorsqu'ils ont refusé de payer la zakat, ils ont refusé de donner à Allah un des droits qui lui revient, le droit dans l'argent. Et donc, ils avaient le droit maintenant de le combattre parce qu'ils avaient refusé de donner un des droits de l'islam. D'accord? Même s'ils disaient la ilaha illallah. Et donc, ensuite, ils mentionnent l'exemple des Khawarij. Et les Khawarij, c'est ceux qui déclarent les musulmans de kuffar pour des péchés qu'ils font. Soit parce qu'ils font le dinar, ou qu'ils boivent de l'alcool, ou qu'ils font de l'injustice, hein, ou qu'ils font des meurtres, ou des choses comme ça. Ils disent, ah, ceux qui font ça, c'est des kuffar. Donc ça, c'est des Khawarij. Ou bien ils prennent des armes contre les dirigeants musulmans, ou bien ils s'opposent aux dirigeants. Ça, c'est des Khawarij. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Khawarij, si je les rencontrais, je les combattrais comme, ou je les tuerais comme les, comme on a tué le peuple d'Aad. Et, le cheikh, il dit, malgré que ce sont des gens qui faisaient beaucoup de ibadah, c'est beaucoup d'adoration les Khawarij. C'est des gens qui priaient plus que les Sahaba, et ils jeûnaient plus que les Sahaba, et ils lisaient le Coran plus que les Sahaba. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Sahaba, si vous les voyez, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière, et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne, en voulant dire que c'est des gens qui font beaucoup d'adoration, mais ils sortent de l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont sortir de l'islam plus vite que la flèche sort de l'arc. Et ensuite, yani, donc les chefs utilisent l'exemple des Khawarij pour faire comprendre la réalité que le fait de dire la ilaha illallah et de faire beaucoup d'adoration, c'est pas suffisant pour prétendre être dans l'islam si tu as fait quelque chose qui est contraire au fondement de l'islam par la suite. D'accord? Donc il faut mettre les choses à leur place comme il faut. Après le cheikh dit وكذلك ما ذكرناه من قتل اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق فلما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit que donc également on peut répondre à ces gens-là par l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les juifs et que les sahabas ont combattu Bani Hanifa, et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même eu l'intention de combattre les gens de Bani Mustalaq lorsqu'un homme avait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient refusé de payer la zakat, et Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre à ce sujet-là le verset 6 dans Surat al-Hujurat qui dit aux les croyants, si un homme pervers vous vient avec une information, alors vérifiez-la pour pas que vous, disons, pour pas faire du mal à un peuple par ignorance, et que par la suite vous ayez des remords pour qu'est-ce que vous avez fait. C'est-à-dire que l'homme qui avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces gens-là refusaient de payer la zakat, il avait menti à leur sujet, et donc ça prouve tout ça, tous les exemples qu'on a mentionnés, ça prouve que des gens, même s'ils disent la ilaha illallah, ils peuvent être combattus dans certaines situations et dans certains cas, et que c'est pas seulement comme on a dit, le fait de dire la ilaha illallah et de croire au pilier de l'islam qui protège quelqu'un dans ses biens et dans son sang, si cette personne-là a nié ou a rejeté ou a contredit un des fondements de l'islam. Donc le cheikh Zayd maintenant il explique ce passage-là, il dit « هذا المقطع من جملة الردود التي ساقها الإمام المؤلف على مشرك زمانه المناوئين لدعوته آنذاك وكشف الشبهات التي وكشف الشبهات التي ظلوا يدلون بها من أجل أن يقنع الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو الموحد ولو عمل أعمالا تخرج صاحبها من ملة الإسلام كالاستغاثة بالأصنام والأوثان من جمادات وغيرها في جلب خير أو دفع شر لا يقدر عليه إلا الله وكذا من في القبور ممن يطلقون عليه أو ممن يطلقون عليهم الأولياء وكذلك وذلك من صنيع الجاهلية الأولى الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأنت ترى أيها القارئ من خلال قراءتك لهذا النص ونظائره أنهم أدلوا بشبهات عديدة منها الشبهة التي أدلوا بها عند قصة بني إسرائيل الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ومثلها قصة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط وهكذا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حينما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله وما شابهها من الشبهات وقد ناقشها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مناقشة حسنة وبين بطلان تعلقهم بها واستنادهم إليها مجادلة منهم بالباطل ليدحدوا به الحق وأن لهم ذلك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc le chef il dit que ça c'est un exemple des réfutations que le chef Mohammed bin Wahhab a utilisé contre les mouchtikines de son époque qui s'opposaient à sa da'wa à son époque, et il a réussi à dévoiler les ruses et les mensonges et les doutes que ces gens-là essayaient de jeter pour faire croire aux gens que celui qui disait la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, que c'était lui le muwahhid, c'est-à-dire le monothéiste, celui qui n'a pas, qui a quitté le shirk, même si cette personne-là faisait des actions qui le faisaient sortir de l'islam, comme par exemple de chercher le secours en des idoles ou en des choses qui sont adorées par des hommes, comme par exemple des pierres ou des roches ou des arbres ou des êtres humains ou autres, et qui leur demande de leur amener du bien ou de d'éloigner un mal que seul Allah est capable d'exaucer, c'est-à-dire des choses que seul Allah peut faire. Et de même que les gens qui adorent les tombes et les qubur, comme on dit en arabe, et qui appellent à ces, qui donnent à ces tombes-là le nom de saints, hein, et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça fait partie des exemples des gens de l'ignorance, de la jahiliya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait combattu à son époque, parce qu'ils adoraient autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à unifier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils adorent un seul Dieu, et c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui mérite d'être adoré excepté lui, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, et après il dit, tu vois bien, après avoir lu ce texte et ces exemples qu'on a montrés, toutes les formes de shubuhat que les mushrikins ont apportées, comme l'exemple de l'histoire de Bani Israël avec Moïse, quand ils ont demandé au prophète Moïse de leur faire une idole, et l'exemple qui est semblable dans l'histoire des sahaba qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur faire un arbre pour accrocher leurs armes comme les mushrikins, ou bien l'histoire de Osama ibn Zayd qui avait tué un homme après qu'il ait dit la ilaha illallah, et beaucoup d'autres parmi ces shubuhat. Et le cheikh Mohammed Wahab a discuté ces shubuhat là et il les a réfutés comme il faut, d'une bonne façon, et il a détruit les mensonges que ces gens-là essayaient d'apporter pour débattre ou argumenter contre la vérité avec des sortes d'arguments fausses, hein, contraires au Coran et à la Sunna. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le dessus et la victoire sur ces gens-là, mais la plupart des gens ne savent pas. Et okay. Ensuite, le cheikh il continue et il dit « وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى وَهِيَا مَا ذَكَرَ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ أَنَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْتَغِيثُونَ بِآدَمْ ثُمَّ بِنُوحٍ ثُمَّ بِإِبْرَاهِيمٍ ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا فالجواب أن نقول سبحان ما طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق ونحن أنكرنا الاستغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله ويحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته أما بعد موته فحاشاه وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il mentionne ici une autre shubha parmi les shubuhat des mushrikins de notre époque, et eux ils disent par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens, au jugement dernier, ils vont chercher le secours auprès de Adam et auprès de Noé, auprès d'Ibrahim, auprès de Moussa, auprès d'Isa. Et ils vont tous s'excuser en disant qu'ils ne peuvent rien faire jusqu'à ce qu'ils arrivent à demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va dire yani, que lui il va le faire, c'est-à-dire il va leur demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et donc eux, les mushrikins aujourd'hui qui évoquent les awliya, ils disent ça c'est la preuve que de chercher le secours en autre que Allah, ça c'est pas shirk. Parce que au jugement dernier, ces gens-là vont demander le secours des prophètes. Et le cheikh il répond et il dit subhanallah, comme Allah a scellé le cœur de ses ennemis, ils ne sont pas capables de comprendre la réalité. Et donc le cheikh il dit que de demander le secours d'une créature, d'un être humain, dans qu'est-ce que cet être-là est capable de faire pour nous, ça c'est pas shirk et on le rejette pas. Hein? C'est comme par exemple, tu demandes à quelqu'un qui est présent, qui peut te venir en aide, hein? Donc dans ce cas-là, ça c'est permis. Même un chien, allez, des fois, hein, s'il y a quelqu'un qui veut t'attaquer, tu dis au chien, attaque, hein, pour qu'il saute sur l'autre. Ça c'est permis aussi parce que le chien peut t'aider dans cette situation-là, d'accord. Et eux c'est pas ça ce qu'ils font. Ils demandent à quelqu'un qui est absent, qui est mort, de leur venir en aide. Ça, c'est différent. D'accord? Donc, le cheikh, il dit, il mentionne l'exemple, même il dit, regardez dans l'exemple de Moïse, à l'époque de Moussa, le verset 15 dans Surat al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. C'est-à-dire que celui qui faisait partie du peuple de Moussa, il a appelé Moussa au secours contre son ennemi. Ok? Donc ça veut dire que c'est permis d'appeler quelqu'un au secours pour qu'il te vienne en aide. Dans des choses qui sont possibles. D'accord? Et donc il n'y a pas de shirk là-dedans. Comme le cheikh dit également, un être humain peut appeler au secours un autre être humain dans la guerre ou dans d'autres questions ou d'autres sujets que ce sont des choses dans lesquelles un être humain peut te venir en aide. Mais le cheikh dit, nous, ce qu'on rejette, ce qu'on refuse, c'est des gens qui demandent le secours auprès d'une tombe, hein, et qui demandent le secours d'une personne qui est absente dans des choses que seul Allah peut donner. Comme par exemple, tu demandes à un être qui est mort ou qui est absent, c'est-à-dire qui est dans un endroit très très loin, tu lui demandes par exemple de te donner le risque ou de te donner le succès dans ton examen ou de te donner un travail ou bien de te donner un enfant ou bien de te protéger du châtiment de l'enfer ou de te sauver, de te faire entrer au paradis, ou bien de te donner une femme, ou des choses de ce genre. Ça, c'est des choses seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Hein? Et l'être humain ne peut pas faire ces choses-là. Et en plus, il est mort. S'il est mort ou s'il est absent, il ne peut rien faire pour toi. D'accord? Et donc, le cheikh dit, « إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ » Donc, dans ce cas-là, le cheikh dit, que dans ce cas-là, on voit qu'il y a une différence. Parce que les gens qui vont être au jugement dernier, ils vont voir les prophètes. Les prophètes vont être là présents devant eux et ils seront vivants à ce moment-là. Parce qu'ils seront ressuscités à la fin des temps et ils vont être debout en attendant leur jugement. Et donc ça prouve qu'ils vont, être capables de faire quelque chose. Et s'ils ne sont pas capables, ils disent non, on ne peut pas demander à un autre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire d'accord et il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, parce qu'il est vivant à ce moment-là. Il dit le cheikh, pourquoi? Parce que les gens sont debout et ils sont en train d'attendre. Ils attendent que le jugement commence, et ceux qui vont aller au paradis, eh bien eux, ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le jugement commence pour que l'attente soit moins longue, d'accord? Et comme ça, le jugement va commencer. Et donc, parce que vous savez que le jugement, lors du jugement et lorsque les gens sont rassemblés et qu'ils attendent le jugement, il y a beaucoup d'épreuves, hein? Il y a beaucoup de difficultés ce jour-là. Et donc les gens, c'est comme s'ils ont hâte que les choses soient finies et qu'ils puissent être, disons, reposés de ces difficultés-là. Et donc le chef il dit, donc dans cette situation-là, c'est permis dans la dunya, dans ce monde actuel, si quelqu'un est vivant et présent, de lui demander en aide dans quelque chose qu'il est capable, ou bien au jugement dernier, après la résurrection, quand les gens sont rassemblés, dans ce cas-là, oui, c'est permis. Mais qu'est-ce qui n'est pas permis? C'est quand tu demandes à quelqu'un qui n'est pas présent, qui est mort, qui n'est pas présent et qui ne peut pas t'entendre, et que tu lui demandes des choses que seul Allah peut faire, ça, c'est pas permis. Hein? Donc, si tu vas à une personne qui est vivante, qui est assise à côté de toi et qui t'entend, et que tu lui dis, demande à Allah pour moi, hein, c'est comme si je dis à Hassan, Hassan fait un doigt, demande à Allah pour moi, hein? Ça, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il demande à Allah pardon pour eux. Ou qu'il fasse des doigts pour eux. Ça, c'était des choses qui se faisaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois même il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un istisqa pour les gens, pour demander à Allah la pluie. Et donc ça c'est permis puisqu'il était vivant. Et c'est ça ce qu'on appelle at-tawassul. Hein, ça c'est permis. D'accord? Mais ce que ces gens-là font, eux, c'est différent. Et aucun des sahaba n'allait à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort pour lui demander quoi que ce soit. Et il dit que même les salafs salih, hein, ils ont rejeté que des gens aillent faire des du'as à Allah auprès d'une tombe. Donc imaginez, s'ils ont interdit aux gens de faire des du'as à Allah direct près d'une tombe, alors imaginez et comment ils auraient rejeté la personne qui font des du'as au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est encore pire. Donc ça c'est un exemple de la shubha qu'ils ont amené. Puis on va lire, hein, tu trouves parmi les soufis, hein, il y a les rafidats, des gens qui demandent l'intercession des saints et qui demandent, qui invoquent les morts en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En grande majorité c'est ces gens-là. Hein. Et là, هذا شرك بالله. ليس جميع ولكن أكثرهم. إلا من رحم الله. يعني أكثر الطرق الصوفية يفعلون هذه الأشياء ويشجعون الناس على فعله. على فعله. ولا ينكرون يعني la plupart des soufis ils le font et ils incitent les gens à le faire et ceux qui le font ils ne leur disent pas que ça c'est pas correct de le faire. لا ينكرون عليه. Hein, ils ne nient pas, ils ne disent pas à ceux qui le font, qu'est-ce que vous faites, c'est shirk. En grande majorité, ils les laissent faire ça. Et c'est ça le danger. Je suis sûr qu'il y en a qui le font en Tunisie. En Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Donne-moi un exemple de quel tariqa. Al-Madaniya, c'est une branche de quel tariqa ça? C'est qui leur chef? C'est qui le chef qu'ils suivent? Même Mouassif tariqa. Ça c'est une tariqa parmi d'autres, mais tu ne peux pas juger en parlant d'une tariqa qui est vers toutes les Turcs en Tunisie ne font pas ça. Ça c'est impossible d'affirmer une chose pareille. Il y a plusieurs tariqas en Algérie, puis en Tunisie aussi. Parce qu'il y a Tijaniya, il y a Qadiriya, il y a Shaziriya, il y a beaucoup de tariqas. Mais il y a des fois, de ces grandes tariqas, il y a des branches qui sont sorties de chacune de ces grandes touroques, il y a des petites touroques qui sont sorties à partir de ces branches. Là. Kullu turuq soufiya mubtada'a. Yani toutes les touroques soufiya sont toutes sur des bid'a. Il n'y en a aucune tariqa qui est sur la sunna. Parce que à la base même du soufisme, ben à la base même c'est basé sur une bid'a. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit aux gens faites des turuq avec un cheikh et puis vous le suivez et il vous dit quel word dire et puis vous devez le dire avec sa permission, puis vous devez faire une initiation, lui donner le bay'a et ensuite porter un vêtement spécial ou bien faire des formes de mouvement ou de dhikr selon une façon spéciale. Hein. Les ahbash, eux, ils suivent en général, je pense, ils suivent la tariqa rifa'iyya. Et eux, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font pour montrer qu'ils ont atteint des niveaux là de piété et de foi? Ils se transpercent le corps avec des aiguilles, peut-être même ils vont manger du feu ou ils vont marcher sur du charbon ou des trucs comme ça, pour montrer qu'ils ont atteint des niveaux de piété ou de foi. Tout ça, c'est des affaires de Dajjal, ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, leur cul-là, elle est déviée, ça c'est clair. Bon, le chef il dit, pour expliquer ce passage qu'on vient juste de lire, on va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps, mais on va juste lire au moins un paragraphe, après la semaine prochaine on continuera pour qu'est-ce qui reste, Inch'Allah. Il dit, il dit, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله فإن الاستغاثة بالمخلوق الذي على قيد الحياة فيما هو داخل تحت قدرة المخلوق أن يفعله هذا ليس بالشرك وليس بمحظور على أحد أن يفعله ذلك مثلا كمن له حاجة فذهب إلى فلان ليكون شفيعا له في هذه الحاجة إما في قرض مال من عند شخص معين وإما في طلب عمل من الأعمال يكون واسطته له فيه وإما أن يتسلط عليه عدو قاهر فيستعيذ بالله ثم بإخوانه المؤمنين أو بغيرهم عند الحاجة هذه ليست من الشرك في شيء وإنما هو طلب من المخلوق في حدود ما يقدر عليه فإن قضيت الحاجة على يديه فذلك بفضل الله وإحسانه ثم بالسبب الذي أدلى به وإن لم تقضى الحاجة فكل شيء بأمر الله وقضائه ولا يعتبر هذا شركا وليس للمشركين دليل فيه على ذهابهم لأضرحة الموتى واستغاثتهم بهم واستعانتهم بهم في قضاء الحوائج فإن فعل ذلك مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة من ملة الإسلام لأنه دعا ميتا وقد صار رفاة وترابا لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Donc le cheikh il dit que si une personne demande le, appelle au secours une autre parmi les créatures qui est vivante et il lui demande quelque chose au sujet de quelque chose qu'il est capable de faire, quelque chose qui est possible et qu'il est capable de faire cette personne, ça n'a rien à voir avec le shirk et ce n'est pas du tout interdit à quelqu'un de le faire, ça n'est pas interdit à quelqu'un de demander à quelqu'un d'autre son aide et son secours dans ce qu'il est capable de faire, hein, s'il est présent et il est vivant et il est là pour le faire. Comme par exemple, supposons que toi tu as besoin d'un prêt, hein, puis qu'il y a une personne qui a de l'argent, toi tu la connais pas cette personne, mais tu as un ami qui est très proche de cette personne-là, tu lui dis, est-ce que tu peux intercéder en ma faveur chez cet homme-là qui a de l'argent pour qu'il me fasse un prêt? Ça c'est permis dans l'islam de faire ça, hein, tant qu'il n'y a pas de riba, c'est halal. Ou bien par exemple tu veux un travail, hein, toi tu connais pas le patron, mais tu as un ami qui est proche du patron, tu lui dis, écoute, est-ce que tu peux parler au patron pour moi, pour qu'il m'engage, pour que je travaille pour lui. Ça c'est permis, ça c'est une intercession dans les choses de la dunya et dans les choses halal, et il n'y a pas là-dedans de choses qui sont impossibles à l'être humain de faire, donc c'est permis, d'accord? Ou bien par exemple, il y a un ennemi qui te menace et qui t'attaque, et toi tu demandes la protection d'Allah, et tu cherches en même temps, ensuite l'aide de tes frères pour qu'ils t'aident à repousser cet ennemi, hein? Ou bien de tes frères, ou bien même des fois d'un kafir parfois, même si t'as pas personne d'autre, même des fois un chien par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, t'as un chien qui va attaquer le voleur ou bien l'ennemi qui veut t'attaquer, ça c'est permis, Yanni, et il n'y a pas de shirk là-dedans, tant que c'est dans les limites de qu'est-ce que cet être humain-là ou cette créature-là est capable de faire. Et si la chose que tu as besoin est exaucée et que tu le reçois, ce que tu veux, ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te le donne par sa grâce et par sa bonté, hein, puis par le moyen que tu as utilisé qui est une cause dans cette chose-là, dans le fait d'avoir accès à cette chose-là. Et si par contre, si la chose que tu as besoin n'arrive pas, eh bien ça c'est par le décret d'Allah et par son commandement. Et il n'y a pas là-dedans rien qui a rapport avec le shirk. Et il n'y a aucune preuve dans ça pour justifier ce que les mouchriquins font lorsqu'ils vont au tombe d'un mort pour leur demander leur secours, ou pour leur demander leur aide dans le fait d'avoir les choses qu'ils ont besoin. Comme s'ils vont à la tombe d'une personne qui est morte et ils lui demandent de leur donner un enfant parce qu'ils disent « ma femme ne peut pas avoir d'enfant, fais-lui avoir un enfant », ou bien ils demandent aux morts, aux wali, par exemple, j'ai besoin d'être accepté à l'université, fais-moi accepter dans l'université, ou des trucs comme ça. Ça c'est des choses que la personne qui est morte dans sa tombe, ou bien qui a des kilomètres, qui ne peut même pas t'entendre, eh bien, elle ne peut rien faire pour toi, elle connaît pas le raid. Donc comment tu peux demander à cette créature-là ou à cet être-là ces choses-là, alors que c'est seulement Allah qui peut exaucer ces choses-là. Et donc le cheikh il dit que celui qui fait ça, il est mushrik. Et son shirk est un shirk akbar, c'est-à-dire c'est un shirk majeur qui le fait quitter la religion de l'islam. Donc le cheikh il dit pourquoi? Parce qu'il a invoqué, il a appelé un mort qui est devenu de la poussière et qui ne peut rien pour lui-même et ni pour un autre, hein, qui ne peut ni lui nuire, ni lui profiter, hein, et qui ne peut ni faire mourir, ni faire vivre, et ni faire revenir quelqu'un après la mort. Donc ça veut dire que ça rentre dans le shirk. On est obligé de s'arrêter ici, parce que le temps on a dépassé, donc on va s'arrêter, puis on continue la semaine prochaine, et puis si c'est possible, peut-être que ce sera terminé la semaine prochaine le livre, parce que il reste juste quelques pages. Donc c'est ça. Donc on va arrêter ici, puis on va continuer. On va